La France compte la densité de millionnaires la plus élevée au monde. 1 pour 30 habitants. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a progressé ces 15 dernières années 6 fois plus vite que la richesse nationale. Comment, malgré une société en crise, les plus fortunés parviennent-ils à maintenir leur position? Pour répondre à cette question, il faut aller au-delà des apparences. Les niveaux de fortune et la nature de celle-ci sont extrêmement divers. Quoi de commun entre un aristocrate, défenseur du patrimoine, et un homme d'affaires qui a racheté un club de rugby? Entre un industriel qui a créé un empire hôtelier et un châtelain, maire de son village. Merci Marina. Ce qui unit les membres de cette même classe est plus fort que ce qui les différencie. Là, vous en avez plein les yeux. Hein. Derrière les individualités, derrière les comportements qui échappent en partie à ceux qui les adoptent, il y a un système qui permet de perpétuer une position dominante, de créer une dynastie. Nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qu'il faut entreprendre. On est les rois, là. La pêche et tout, le calme, les oiseaux, y'a pas mieux, hein. J'en fais du poisson, quand même, hein. Les carpismes. C'est le marquis qui est propriétaire de tout ça. On loue 300 euros l'année et 110 euros pour la pêche. C'est pas cher, hein. Ça nous permet de dormir là, le week-end. Ça qui est bien. Bah, ils s'en sortent, quand même, hein. Avec le nombre de chalets qu'il y a. Hein. S'il veut vendre, il veut foutre tout dans l'herbe, on n'a plus rien. ça peut arriver. Ça, hein. Si à la fin de l'année, il dit bon, surtout que c'est des contrats annuels. Hein. Donc à la fin de l'année, il vous dit monsieur, vos baraques, vous les emmenez. T'as tes yeux pour pleurer, c'est tout. Hein. On n'a pas à se plaindre quand même. Non. C'est nettoyé et tout. Oui, c'est entretenu. Oh là là, c'est super bien. Ah ouais, le bruit de sauvetage, il y a tout. Hein. Celui qui se plaint, ben, vraiment, c'est idiot. Non. Ben, on ne va pas se plaindre. Hein. On n'est pas les plus mal. Oh non. Hein. On fait du poisson quand même, hein, pour l'ensemble de l'année. Ah oui. Et vous êtes déjà allé le voir, le château, non? Ah non, je ne rentre pas dans les propriétés privées, moi. Ah non, j'ai pas le droit. Il faut respecter aussi, hein. Moi, je vais là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je me retrouve au tribunal pour une connerie parce que j'ai marché sur ces terrains. Oh non, faut respecter quand même. En même temps, c'est la mairie dedans. Comment? C'est la mairie. La mairie, elle est dedans. Ah bon? Ouais. Moi, je ne savais pas. On apprend. Hein. On a le droit de le visiter. Hein. Le marquis Christian de Luppé est à la fois le maire et le châtelain de Beaurepaire, une commune de 70 habitants dans l'Oise, à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris. Alors, l'histoire commence là. En 1830, monsieur de Curnieu, qui est éleveur de chevaux, épouse Adélaïde de Lagrange, fille du propriétaire de Beaurepaire, et... ils ont une fille, Caroline de Curnieu. Caroline de Curnieu épouse Étienne de Luppé. Beaurepaire arrive dans la famille par ce mariage. Ils ont un enfant, Pierre de Luppé. Alors, Pierre Bruppé était mon arrière-grand-père. Et dans les années 1910, il est devenu maire de Beaurepaire. Ensuite, mon grand-père, Albert de Luppé, maire de Beaurepaire. Puis ensuite, mon père, Pierre de Luppé, maire de Beaurepaire. Voilà. Voilà la série. Depuis quatre générations, les rôles de maire et de châtelain se confondent donc à Beaurepaire. La mairie est hébergée dans l'enceinte du château, dans les communs. L'essentiel des terres du château est composé de surfaces agricoles qui sont confiées en fermage à des agriculteurs. L'ensemble représente à peu près la moitié de la superficie totale de la commune. Au-delà des exploitations agricoles, les deux étangs de pêche, l'un est municipal, l'autre appartient à Christian de Luppé. L'emprise du marquis de Luppé sur son village est donc considérable. Mais son apparence a changé et s'est enrichie d'atours démocratiques. Le châtelain est devenu le maire tout en restant le châtelain. Autre question ? Et la mairie est entrée dans le château. C'est donc tout naturellement au château que les habitants de Beaurepaire se rendent pour célébrer leur noces. Le marquis et sa femme ouvrent à cette occasion leur salle à manger qui se transforme, l'espace d'une cérémonie, en salle des mariages. Monsieur le maire. Eric. Il fait tellement jeune. Aujourd'hui, il y a une belle mariée. Ça détend l'atmosphère. Ça va ? Ça va ? Ma chère Lilia, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à votre famille. À vos amis, il y a longtemps que la France vous a souhaité la bienvenue. Permettez-moi à mon tour de le faire aujourd'hui. Je déclare Mademoiselle Lilia Gelassi et Monsieur Albéric Fabrice Flippo unis par le mariage. Depuis le début du XXe siècle, cette pièce sert pour les mariages, pour les arbres de Noël, pour les goûters, les remises de médailles et les remises de décorations. C'est une tradition locale. Je n'ai pas l'impression que les gens s'en plaignent. Ma tante s'est mariée au château à Beaurepaire et puis moi j'ai voulu faire le mariage aussi ici. Parce que je trouvais que c'était plus beau que... Voilà quoi. Dans le château, je trouvais que c'était vraiment beau. Et c'est une chance de pouvoir se marier dans un château. Là. Les gens ici sont contents. Bon, nous, ça nous fait toujours plaisir aussi. C'est sûr que le fait que la mairie soit là, ça influence énormément. Si la mairie était totalement séparée, il n'y aurait peut-être pas cette ouverture. Mais il y a tellement eu de rapports entre mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, moi-même, avec tous les gens de la commune, c'est complètement entré dans les mœurs et il n'est pas question d'arrêter. Donc je ne me pose pas tellement la question, comme ça a toujours été comme ça, je pense qu'il faut le continuer, moi je le fais avec un immense plaisir. C'est bon, merci. Tout le monde semble donc trouver son compte dans cette situation. À commencer par le châtelain, qui n'a que des douves à traverser pour, en ce jour d'élection, endosser ses habits de maire et venir tenir le bureau de vote. Bonjour. Bon, bah, mesdames et messieurs, le scrutin est ouvert. Stanislas, le fils aîné de Christian de Lupé, se prépare à recevoir en même temps que la succession du château, celle de la mairie, comme les quatre générations qui l'ont précédé depuis son arrière-arrière-grand-père. Déjà, il y a une première chose qui est extrêmement importante, c'est que ça s'est toujours fait comme ça, par tradition et également par service. Maintenant, c'est évidemment une élection où n'importe qui a la possibilité de se présenter. S'il y a des vocations qui se manifestaient dans la commune, ça serait, enfin voilà, comme toute élection, ça serait évidemment parfaitement normal. En aucun cas, pour nous, c'est quelque chose d'impensable de se dire que la famille sorte de la mairie. C'est quelque chose, c'est vrai, je reconnais d'un peu folklorique. Mais nous ne sommes pas dans un schéma de progéniture mâle à l'ancienne, bien que les faits me donnent tort jusqu'à présent. Bonjour, monsieur Lesage. Bonjour. Un accord tacite lie la municipalité et la famille de Lupé pour héberger la mairie dans le château. En fait, c'est une question de bon sens. Si l'on devait acheter un terrain, construire une mairie, ça prendrait 5 ans de budget. Une fois la mairie construite, il y aurait un entretien de mairie. Il y en aurait entre l'assurance, l'électricité, que sais-je, il y en aurait quand même pour quelques milliers d'euros. Donc, ça serait très, très difficile pour la commune. Du collectionneur d'Europe. À voter. Bon, c'est vrai qu'il y a certains gens de la commune, certaines personnes qui sont peut-être un peu gênées de venir au château. Ils ont leur chacun à ses raisons. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on voit jamais. Ouais, mais bon, c'est une infime minorité. Hein. Ouais. La situation ne fait pourtant pas l'unanimité au sein de la commune. Fernand, un ami d'enfance de Christian de Lupé, a longtemps milité pour la construction d'une mairie qui ferait en même temps celle des fêtes. Ce serait mieux si elle était indépendante. Il y avait eu un projet justement de faire une mairie et une salle des fêtes dans un ancien bâtiment agricole. Il y a de cela une vingtaine d'années à peu près. Mais qui a été abandonné. Il n'y avait pas vraiment une volonté certaine que le projet aboutisse. Bon, moi j'ai eu une influence négative sur ce projet. C'est clair qu'on aurait été subventionné, mais on n'aurait pas été subventionné à 100%. Donc effectivement, on a débattu du problème dans les années 85, et puis bon, pour l'instant, on n'en débat plus. Bon, c'est vrai que le projet, on l'a abandonné, parce que de toute façon, comme Monsieur de Lupé vous dit, bon, il avait ses raisons, il n'était pas pour. Donc, comme c'était lui qui devait nous vendre le terrain, et donc après, on l'a abandonné, quoi. Mais bon, je pense que tout le monde n'a pas tenu de rancœur ni de ça, quoi. En même temps, par rapport à une mairie traditionnelle, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'inscription officielle, il n'y a pas d'inscription mairie. Il y a le portrait du président de la République. Bon, je vous accorde que la signalisation, elle est inexistante. Hein. Bon, alors évidemment, les gens de la commune et les gens du coin savent où elle est. Mais c'est clair que quand on vient de l'extérieur et qu'on cherche la mairie, ça surprend. Ça, je vous l'accorde tout à fait. On pourrait faire un effort de ce côté-là. Et la devise, liberté, égalité, fraternité. Ah oui, oui. La mairie doit être une maison commune, or elle n'a rien de commun. Le bâtiment qui sert de mairie n'est jamais pavoisé, par exemple. On est peut-être un peu trop républicain, mais je veux dire, c'est ce genre de choses qui nous gêne. Ouais. Ça fait fief un peu, si vous voulez. Je ne voulais pas employer le mot, mais c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, le scrutin est clos. Résultat, Sarkozy 22, Hollande 19. Mais quand on n'est pas issu d'une dynastie familiale et que l'on ne dispose pas de lieu d'enracinement hérité, ce qui n'est pas acquis par transmission doit être conquis. J'ai restauré cette maison-là. J'ai restauré celle-ci. Et ça, donc, c'est toutes mes vignes, y compris sur la colline là-bas. Enfin, voilà, toutes les vignes par-delà. Ça, c'est vrai que c'est un vrai plaisir dans cette propriété. C'est qu'on a des vignes de tous les côtés. Alain Tingo est un conquérant. On a des palmes aussi. Quand j'ai refait la maison, on a voulu faire un petit endroit avec des palmiers et on est très content parce que tout ce qu'on a planté est devenu ça, quoi. Les palmiers se sont vraiment bien adaptés à la situation. Et on a, dans ce contexte de palmiers, on a mis en place une pagode indonésienne. Ce qu'on aime bien avec mon épouse, c'est avoir des endroits où on peut s'isoler, tranquille, venir un moment à la piscine, se baigner. Et là, on fait des siestes absolument exceptionnelles. Hein. Parce que la vie, c'est quand même aussi d'en profiter un peu et de pouvoir de temps en temps avoir des bons moments. Alain Tingo a fait fortune dans les nouvelles technologies, introduisant très tôt sa première société à la bourse de New York. C'est en homme riche qu'il s'est installé dans la région d'Agen. Il est devenu propriétaire et président du club de rugby professionnel, le Sporting Union Agenais. J'ai décidé d'investir dans le club et de participer aux différentes augmentations de capital qui ont permis effectivement de devenir l'actionnaire majoritaire du club. Et on peut savoir combien vous avez investi dans le club? Beaucoup d'argent. En prenant possession du club, Alain Tingo s'est offert un stade, un public, des joueurs. Il a fait remonter le SUA en top 14, le plus haut niveau professionnel. Mais cette saison, le club doit lutter à chaque match pour éviter la relégation. On joue pas bien. Non, on est vraiment pas dans le match. Cette fois, la victoire est arrachée in extremis. C'est pas possible. La petite vision, ça a été. C'est pour tous ceux qu'on nous a volés. C'est bien, Mathieu. Ça fait du bien, ça. On a été vaillant, Jean. C'est bien, Jean, on a été vaillant, c'est bien. Ouais, c'est que de la vaillance, mais on a les coronas, ça c'est bien. Félicitations, pour la vaillance en tout cas. C'est dur, mais c'est beaucoup de joie, tu vois. Les garçons sont heureux. Ça fait 3 matchs de suite gagnés, donc ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à plein de choses, quoi. Donc je suis plutôt content ce soir. Mais tu vois, la fatigue est là. Cette joie-là, ouais, ça vaut tout. Ouais, mais elle ne se partage pas, tu vois. Tu vois, ça se... Tu peux me poser 10 fois la question, tu ressentiras pas ce que je ressens. Voilà, c'est quelque chose qui appartient qu'à ceux qui sont à l'intérieur du truc. C'est cool quand même, hein, messieurs. L'autre passion d'Alain Tingo, c'est le vin. Il s'est acheté un vignoble il y a près de 20 ans. Mais je te jure que j'ai goûté le 2009. On va aller voir tout à l'heure. Mais Alain Tingo n'est pas vigneron lui-même. C'est son fils qui l'a installé à la tête du domaine viticole. Ouais, c'est costaud comme néon. C'est costaud encore, ouais. Dis donc. Il n'a pas fini son élevage encore. Ah, écoute, j'aime bien moi, néon, quand même. Mais ça t'en met plein le pif quand même. Hein. Ça, c'est du bonheur, ça. C'est le bon moment, ça. Être avec son fils dans le chai, déguster les vins. Bonheur, ça. Que du plaisir, là. Pour vous, j'imagine, c'est assez sécurisant, quand même. Ah bah, bien évidemment. J'essaye, malgré toute la passion et le plaisir que j'y prends, de rappeler à toute personne qui me le demandera, sans m'en excuser non plus, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, que je suis un privilégié. Voilà, que j'ai une chance. Et cette chance, j'essaie de la saisir et de la mériter. Voilà. J'ai passé trop de temps dans ma vie à un moment donné à culpabiliser que mon père soit quelqu'un qui ait réussi. Maintenant, plutôt que de simplement en profiter, je profite des outils, des opportunités, de l'expérience pour en faire quelque chose à mon tour. Moi, j'ai acheté cette propriété en 1995 pour faire plaisir à mon père et à me faire plaisir à moi parce que j'avais ma maison d'habitation qui était pas loin et je trouvais formidable de pouvoir acheter toutes les terres autour et puis faire du vin, quoi. On est tous, je crois qu'il y a énormément de gens qui aspirent à faire du vin. Je veux dire, le vin, c'est une chose, c'est tellement noble, tellement fort. Tout le monde cherche un jour à être propriétaire d'un domaine viticole. Donc moi, j'ai acheté 195, et puis c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur de savoir que la propriété familiale est entre les mains de son fils. Ouais. Il va évoluer. Donc, voilà, il est débouché beaucoup trop tôt pour l'instant. Oui, ça fait rien. Il faut lui laisser le temps. Alain Tingo n'est pas un héritier. Mais en se constituant un patrimoine professionnel, en investissant dans un club de rugby, dans des terres et dans un vignoble, il affirme son appartenance à une région tout en préparant sa succession. Les gros patrimoines portent en eux-mêmes l'exigence de transmission. Et en se transmettant, ils permettent à une dynastie de se créer ou de se perpétuer. L'inscription dans un temps long est une des marques de légitimité des grandes familles. Le château de Canisy en Normandie. Un château millénaire sur un domaine de 300 hectares et qui appartient à une famille, elle aussi millénaire, dont le comte Denis de Kergorlay est l'actuel représentant. Non, c'est la seule à la gare. Je vous demande dans votre chambre ? Ouais. Bonjour, monsieur Denis, faut-il vous aider ? C'est tout parti, c'est tout bon. Réginald Hubert, il est là aujourd'hui ou pas ? Ah oui, il était là. Il est là ? Ouais. Ah oui, je l'ai vu ce matin. Si Denis de Kergorlay est aujourd'hui à son aise dans son château, il aspirait jeune homme à autre chose qu'à une vie de châtelain. Se lançant dans l'humanitaire et l'écologie, jusqu'à ce que la mort de son père le rappelle brutalement à ses responsabilités familiales. J'avais fait un peu mon deuil, mon divorce, ou ma séparation par rapport à un passé familial. Et donc, du coup, c'était mon frère cadet qui devait reprendre le château de Canisy, c'était entendu. Et puis, au moment où les choses se passent, c'est-à-dire précisément fin 76, mon frère nous fait savoir qu'il a une vocation religieuse, devient moine, et comme la logique familiale était que ça reste dans la famille, du coup, je suis devenu châtelain contre mon gré. Comment résister au poids familial quand chaque portrait, chaque détail du château vous rappelle que vous portez sur les épaules un millénaire d'ancêtres ? Quand il a hérité de Canisy, Denis de Kergorlay n'a pas failli à ses responsabilités. Mais que faire d'un château de 32 chambres ? Yeah! Back to Canisy! Taken by the virus! Lucy Ross, thank you for your hospitality. Thank you very much. Thank you for... Pour en assurer la pérennité, Denis de Kergorlay a transformé son château familial en résidence hôtelière de luxe dont les chambres à 450 euros la nuit connaissent un grand succès auprès de riches clients américains. We have many links, my family and the Château de Canisy, with your country. During the French Revolution, one of my ancestors wanted to be in a safer place than being in France at this time, especially during the Terror. So with her husband, she managed to get into a boat that was going to Boston. And for 2 years, and then when the Robespierre was the fall of Robespierre, they could come back safely to France. And she wrote her memoir, and she is one of my ancestors. Okay. So I am here thanks to America. Bye. Quand vous appartenez à une famille qui a cette histoire, vous assumez vos responsabilités vis-à-vis de cette famille. Il faut le faire. C'est l'idée que l'on poursuit l'histoire d'une famille. Et la question de garder ou ne pas garder Canisy ne s'est jamais posée pour moi. L'histoire des Kergorlais et celle du village de Canisy sont depuis longtemps étroitement liées. L'église se trouve à cheval entre le village et le château. Elle porte les marques de l'influence de la famille de Kergorlais qui bénéficie toujours d'une entrée privative. C'est l'église du village. Elle a été édifiée en 1894 par mon arrière-grand-père. Et puis ici, vous avez les personnes de ma famille qui sont enterrées dans la crypte en dessous. Et donc, mon arrière-grand-père et son épouse, mon arrière-grand-mère, mes grands-parents, mon père et ma tante. C'est l'église du village. Je n'ai pas de sentiment de propriété sur cette église. L'histoire fait qu'elle a bien été construite par un des membres de ma famille, mon arrière-grand-père. Et nous avons notre caveau de famille ici, comme je dirais, toutes les familles ont un caveau. Je serai enterré là et on mettra mon nom là. Dans longtemps, j'espère. S'inscrivant dans une longue tradition familiale, Denis de Kergorlais ouvre les deux tiers du parc du château, situé au cœur du village, aux habitants de Canisy et des alentours. Il pourrait très bien fermer les barrières, ça c'est sûr. Oui. Oui, moi je trouve qu'il est très généreux. Pour nous, c'est vraiment une grande chance, quoi, de pouvoir profiter de ce lieu magnifique, entretenu. Non, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai qu'on peut lui dire merci. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas faire le tour du château, parce qu'il y a une partie qui est privée, là, quand même. Alors, j'avais été visiter la halle à la journée du patrimoine. Ils m'ont même offert une petite orangeade. L'espace autour du château a été un enjeu entre la famille de Kergorlais et le village. Maire de Canisy pendant 10 ans, Denis de Kergorlais a, à la suite de son père, cédé à la commune des terrains pour accompagner son développement et permettre la construction d'un collège, d'équipements sportifs et de lotissements. Il y a eu un choix qui s'est posé à partir du début des années 80. C'était effectivement, la commune avait besoin de ces terrains que nous avons cédés pour grandir. Et si notre comportement avait été un comportement de refus, la commune n'aurait pas pu connaître la croissance qu'elle a connue. Ça, c'est certain. Oui, Jennifer, c'est moi. Non, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça une bonne idée. Non, je trouve pas que ce soit chic de mettre un truc comme ça dans les chambres. Ici, c'est mon coin à moi. Mon coin à moi, j'adore être là, parce que j'adore cet étang, la vie de l'étang. C'est vraiment apaisant. J'ai le sentiment de me relaxer tout en restant dans mon business, dans mes affaires. Je trouve que ça, c'est le bonheur. C'est de pouvoir suivre tout dans un cadre vraiment idyllique. Et il y a cette espèce de règle qui fait que ici, c'est ma partie vraiment privative, donc personne ne vient me déranger. Donc pas de promeneur ici, sauf autorisation spéciale. En ouvrant le parc et en accompagnant la croissance de la commune, Denis de Kergorlais a réaffirmé la place essentielle du château au sein du village. Pour perpétuer le mode de vie et le patrimoine dont il a hérité, il a su adapter parfaitement sa vie de châtelain à son époque et à son environnement. Quand on a tout conquis, que l'on jouit de la légitimité d'une réussite industrielle, reste à protéger son patrimoine et à forger sa légende. Paul Dubrul a l'élégance de ceux à qui pas grand-chose n'a résisté dans la vie. J'aime bien les belles mécaniques. Les vélos, les montres, les voitures. J'aime bien ces choses-là. Paul Dubrul a cofondé avec Gérard Pélisson le groupe Accor. Parti du premier hôtel construit avec l'argent du père de Paul Dubrul, le groupe compte désormais plus de 4000 hôtels et 160 000 salariés dans le monde entier. Formule 1, c'est une nouvelle génération des hôtels construits en un temps record, 2 mois. Un succès construit sur des méthodes novatrices et un sens particulier du dialogue social. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on n'est pas assez payé. On a des problèmes d'argent. Si nous augmentons les rémunérations de 200 francs, ça représente un budget de 15 millions de francs sur l'année, 1,5 milliard. C'est plus que le bénéfice que la société fait. Quand ils ont pris leur retraite du groupe Accor, Paul Dubrul et Gérard Pélisson étaient devenus deux des plus grosses fortunes françaises. On a un peu de mal en Suisse, non ? Non, il n'y en a pas. Pas que je sache, non, ben non. C'est vrai que le terme riche a une connotation qui n'est quand même pas très favorable en France. Et puis, vous comparez toujours aux premières fortunes françaises et des réussites comme Bernard Arnault, ou les Mulliez ou autres dans le top 10 des fortunes françaises. Je suis tout petit. Avec Gérard Pélisson, on doit se retrouver, je sais plus, j'ai lu un 150e ou quelque chose comme ça. Donc, oui, quand vous êtes 150e, c'est pas un podium. Hein. Aux Jeux Olympiques, faites pas grand-chose. Mais d'un autre côté, se situer dans le top 1000, c'est pas ridicule non plus. Donc voilà, tout est relatif. Paul Dubrul possède encore aujourd'hui 1,3% des actions du groupe Accor. Et il en est toujours le président du conseil de surveillance. Eh bien, c'est un mauvais jour. L'action Accor a baissé. Elle a baissé même de façon assez forte. De 3%, moi, que c'est pas le plus mauvais, mais enfin, pas quand même. C'est pas très important. Bien qu'il ne soit plus à la tête d'Accor, l'aura de Paul Dubrul reste intacte. Et il est reçu comme un pacha dans tous les hôtels du groupe dans le monde entier. Merci. Merci. Légèrement rafraîchi avec de la citronnelle. Rafraîchissant. Enchanté. Très heureux. Bonjour, mademoiselle. Vous auriez une chambre pour moi? Yes, we have a room for you. Je suis d'autant plus content de vous accueillir. On est complet ce soir, donc c'est très bien. Parce qu'il n'arrive pas tous les jours, donc vous nous portez chance, monsieur Dubrul. Ah non, j'irai vous laisser la chambre. Ah bah non, non, moi je le prends comme un signe de chance. C'est joli ce truc à vous. Oui, oui. Ça me plaît. Ça change un peu. Paul Dubrul est entre guillemets un peu notre père à tous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois avec Gérard Pélisson. Je pense que Paul Dubrul a l'habitude de descendre dans les hôtels et d'être toujours très bien reçu. Donc, évidemment, l'accueil est à la hauteur de son rang, donc en termes de personnel à sa disposition. Moi, je suis plutôt partisan d'accueil assez simple, mais de qualité. L'idée, c'est de le faire de façon un peu subtile et discrète. Bienvenue chez vous. Merci. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais me reposer, oui. Je vais prendre une douche. Pour... D'accord, voilà. Ouais, parfait. Bonne installation, tu veux. Donc, Sobano est votre butler. Hein? Ah, très bien. Enchanté. Mmh. On a le droit de conduire ? Non. Allez, comme ça, c'est parfait. Vous gardez votre sac comme ça. Ça sent très bien. Voilà. Bon, écoutez, bonne balade dans Phnom Penh. Il y a Sopano, you follow, right ? Absolument. Ok, parfait. Il y a quelqu'un qui vous suit ? C'est celui qui vient à la chambre. C'est le butler. Ça c'est quoi, c'est une spécificité pour vous ou c'est un accord qui va avec Non, je pense que c'est pour moi. Je mets à disposition un butler qui s'occupe du petit déjeuner, qui s'occupe de vérifier que tout soit là, qui s'occupe de tout. Je vous signale, et vous devriez peut-être en prendre l'habitude, c'est qu'ici on m'appelle Excellence. Alors, si ça ne vous ennuie pas, en termes de protocole, j'apprécierais que vous le respectiez. Alors, en anglais, vous pouvez dire « Your Excellency ». Paul Dubrulle est chez lui un peu partout dans le monde. Son espace semble illimité. D'aisance et d'appartenance à un même monde est à la fois un enjeu et un des critères de reconnaissance de la belle société. L'inscription dans un réseau prestigieux est le plus sûr moyen d'y parvenir. Bonsoir. Salut. Non, pas du tout. Ça va ? Ça. Bon, t'étais très bon. Ouais, hein. T'étais très bon. À Paris, oui. Ailleurs, t'étais mauvais, mais à Paris, t'étais formidable. Mais il était génial. Il est génial parce qu'il est spontané. Et quand il te raconte qu'il a acheté pour 18 000 euros la marque Blancpain, qu'il a revendu 80 millions d'euros, et pareil pour Hublot, qui a quand même vendu 486 millions d'euros à LVMH. Hein. Il a quand même vendu 486 millions d'euros à LVMH. Il a touché grand chose. C'est un génie. Les bizarres, ça va, ça marche, hein ? Allô ? Il y a eu une fois de blanc. Non, ici, non. C'est pas mal. Il y a un très haut niveau et là, tout sympa la prise. Sinon, oui. La constitution de réseau, c'est l'une des nombreuses activités d'Alain Marty, président du Wine and Business Club, qu'il a fondé en 1991 et qui compte aujourd'hui 2500 membres et des antennes dans une dizaine de villes de province, plus Genève et Monaco. C'est à Paris qu'Alain Marty a lancé son premier club. C'est toujours aussi bien. Contre une cotisation de 5 ou 10 000 euros annuels, il réunit une fois par mois des dirigeants d'entreprise autour du plaisir du vin et d'invités économiques prestigieux tels que ce soir-là Thierry Breton, ancien ministre de l'économie. Alors, 1981, c'est la création de la première entreprise. À New York. J'avais 25 ans. C'est pas mal ça. Un ministre qui a créé une boîte, il n'y a pas beaucoup. Dis-moi, il faudrait que tu m'organises une petite réunion avec Breton, parce qu'en fait, j'ai mes clients, ils sont clients de lui et ils veulent lui dire un truc. D'accord. Tes clients sont clients. Allez me toucher présente maintenant. Alain Marty a fait de son club une entreprise de réseautage assumée. Bonsoir. Ah, si t'aimes pas le champagne, tu es déçu. Jean-Pierre est le président du champagne Gossé. Voilà, et du cognac Crapin, quoi. C'est un garçon formidable, très fréquentable, formidable, voilà. C'est vrai qu'il y a un groupe avec une tribu qui a comme point commun d'aimer bien manger, bien boire, et le troisième point d'être dirigeant d'entreprise. Et ça fait bon ménage. Les gens n'ont pas à montrer qu'ils ont réussi, ils ont tous réussi. Donc c'est un peu l'union sacrée avec des valeurs communes. On peut parler de vin, on peut parler de business, on peut parler de palace. Donc tout ça, ça identifie déjà une tribu, et c'est cette tribu qui fonctionne bien avec une vraie notion de réseau. De palace en palace, Alain Marty est chez lui partout, jusque dans cette célèbre épicerie de luxe parisienne où il donne ses rendez-vous. Un atout considérable dans sa stratégie de réseau. Alors, sache-le un jour, mais j'ai un de mes cousins qui est ministre. D'accord. Moi, je cherche un bon fiscaliste. Si ta copine a un avocat fiscaliste, j'en cherche un, là. Alors, elle va l'exclure, quoi. C'est une belle moyenne. Tu vas bien ? Ça va ? Ça va, et toi ? Attends, c'est ton bureau, là ? Il y a pire, non ? T'es le plus heureux du monde, toi. Ton bureau, Gilles Fauchon et tout. Non, mais c'est génial, non ? Ouais, est-ce que tu vas bien ? Très bien. Ouais. Je sors de la Ligue, là, tu vois. Donc, il y avait trois présidents de clubs anglais, trois présidents de clubs français. Et alors, c'est quoi l'idée des Coupes d'Europe ? C'est tu veux, aujourd'hui, la Coupe d'Europe, la H-Cup, c'est bien. La Amine Cup, c'est une merde. Donc, on veut faire une Amine Cup qui sera très orientée club anglais, club français. Donc, on va enlever les Roumains, les Espagnols, les Italiens, qui ne servent à rien. Ah oui. Et puis, redéfinir la redistribution financière. Et puis, surtout, toi qui es dans le business, commercialement, quand tu sais le prix que l'ERC vend les coupes européennes à la télévision, c'est une catastrophe. C'est 20 vendu. Millions d'euros. Tu dois en tirer 40, si tu veux. Donc, il faut qu'on redéfinisse tout ça. Et du côté des Anglais, il y a Bruce Craig, qui est un mec qu'il faut que tu invites un jour. C'est le nouveau patron de Bass. Ah oui ? Un mec qu'il faut inviter parce qu'il a des connexions anglaises. Comme je sais que tu m'as dit que tu voulais internationaliser. Donc, l'année prochaine, enfin. On va parler anglais la semaine prochaine. Non, non, c'est... Londres ? Non, on fait Londres, Düsseldorf, Milan et Barcelone. Ah, il faut que tu rencontres Bruce. Parce qu'en plus, je peux te faire rencontrer tous les patrons des clubs de la Super League. Quoi. Ah mais ça serait génial ça. Mais ça serait génial parce qu'en plus, ce sont des... Peter de Leicester, j'étais avec Peter Wheeler de Leicester, il y avait Bruce Craig de Bass. Ah non, mais là on peut faire un truc sympa. Hein. L'échange de services est à la base du réseau. Et l'opportunisme y est une valeur communément partagée. Il ne faut pas voir le côté négatif ou mercantile du réseau. C'est vrai que quelque part, ça peut aider quand on connaît quelqu'un pour obtenir, ne serait-ce qu'un rendez-vous chez un médecin, un grand spécialiste, un grand pont qui vous demande 6 mois d'attente. On peut, via quelques bonnes amitiés, avoir un rendez-vous dans la semaine. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Tu connais Alain Dingo, non ? Oui. Non ? Alain, est-ce que tu connais le président de Soitec ? Non, mais je connais l'entreprise et sa performance. Voilà. Mais cette notion de j'ai envie de réussir, au contraire, être opportuniste, ce sera formidable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de réussir dans la vie. Il n'y a pas de honte à se dire quels sont les leviers qui vont me servir à aller plus loin, à créer une société, à reprendre ou à gagner le plus d'argent possible. Tout ça, c'est pas tabou, au contraire. Tu fais quoi ? Je développe le patrimoine des particuliers. Ah, d'accord. Ça peut être très intéressant, notamment pour les joueurs. Ouais. Aujourd'hui, en période de crise, comment développer le portefeuille de vos joueurs ? C'est en faisant des économies d'impôts. Ouais. Ben, ils sont déjà extrêmement sollicités, j'imagine. Le réseau, la sociabilité, la vie de cercle sont autant de manières de se réserver des espaces privés dans la ville. Je travaille à Paris, mais ça peut vous être utile. Quelquefois, il y a les réseaux. On ne sait jamais. Denis de Kergorlet est président du cercle de l'Union Interalliée, situé dans un hôtel particulier de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, entre la résidence de l'ambassadeur du Japon et l'ambassade de Grande-Bretagne, à 200 mètres du palais de l'Élysée. L'Interallié est un des cercles les plus prestigieux de Paris. Son histoire est aussi illustre que ses membres et son adresse, puisqu'il a été créé en 1917 par le maréchal Foch pour favoriser les relations entre les officiers alliés. Le cercle comprend 3300 membres et dans tous les domaines. Qu'il s'agisse de la fonction publique, de la politique, de la médecine, d'avocats, de financiers, d'industriels, qui se cooptent en quelque sorte. C'est-à-dire que pour pouvoir entrer au cercle interallié, il faut que vous ayez deux parrains ou deux marraines et vous passez devant une commission d'admission qui s'entretient avec vous, veut savoir, en dehors des éléments objectifs du dossier, quelles sont vos motivations pour rejoindre ce cercle. Et c'est à la suite de cette procédure que l'on peut être membre du cercle interallié. Quelqu'un qui n'aurait rien fait de sa vie, je pense que s'il était candidat à l'interallié, on lui dirait « Mais pourquoi est-ce que vous avez envie d'entrer à l'interallié ?» L'interallié est un lieu de grande discrétion, où l'entre-soi ne se laisse pas perturber. Denis de Kergorlet nous a demandé de ne pas en filmer les membres. Quand vous êtes membre d'un cercle, vous avez très fort le sentiment d'être chez vous. Vous n'êtes pas en représentation. Vous êtes parmi vos amis et c'est votre vie privée. Par conséquent, une caméra au milieu des membres interalliés, ce serait une véritable intrusion. Et donc les gens le vivraient mal. Ce lieu permet d'échanger dans des conditions confortables, dans un cadre tranquille. Discret. Et discret. Je pense que quand vous grandissez dans la vie, il faut accepter de prendre des responsabilités. vis-à-vis de la société. Et donc, je crois vraiment que ça devient un des vrais critères. On ait envie d'être ou de faire venir des gens à l'intérieur. Je crois que c'est dans notre ADN. On a été créé comme ça. C'est pas uniquement un lieu de fête. C'est un lieu où vous recevez des chefs d'État. Et alors oui, moi j'assume que c'est un lieu où des élites se rencontrent, parce que je pense que c'est dans la tradition républicaine française. Je pense que depuis Napoléon Bonaparte, on a créé en France toute une série d'écoles en tout genre pour permettre justement à tous ceux qui ont du talent, du courage, de la volonté, de l'ambition de développer leurs facultés. Et donc, je ne récuse donc pas le mot d'élite parce que je crois que tout le monde, s'il en a la volonté, peut accéder à ces postes où on exerce des responsabilités dans la société. Les élites françaises se sont-elles renouvelées ? Ou s'agit-il en grande partie des mêmes élites qui ont su s'adapter et composer avec la République ? Changer pour que rien ne change, pour reprendre la célèbre formule de Lampedusa. Car quelles que soient les élites en place, contrôler son espace, posséder les terres, s'inscrire dans le temps, assurer sa transmission, pratiquer l'entre-soi, les stratégies pour se maintenir au sommet de l'échelle sociale restent les mêmes, par-delà les générations et les époques. Le système est en place, verrouillé. Pour ceux qui sont en haut, il n'y a pas d'autre choix que d'y rester et de convaincre les autres que les places qui ont été attribuées sont les bonnes. Et bien voilà, il y a toujours une ribambelle de chiens, comme vous pouvez voir. Ce sont des chasseurs. Comme pour beaucoup de châteaux, la ressource principale du domaine de Canisy a longtemps été la location de terres agricoles à des fermiers. Aujourd'hui, ceux-ci sont des salariés directs de Denis de Kergerolles. Il est le propriétaire de leur ferme en même temps que leur employeur. Norbert et ses admiratrices, là. Allez, Fifi. Allez, Vachette. Voilà votre capital. Ouais, il a l'air bien nourri. Il a l'air bien nourri. Il a l'air bien nourri. Ah oui. Pourquoi avoir repris l'exploitation agricole, le nom du domaine, et pas l'avoir laissé à des fermiers pour vous ? Parce que quand les fermes sont comme ça en gestion directe, le propriétaire est vraiment chez lui. Ça nous donne une grande souplesse d'utilisation. Je dirais que, au fond, c'est très. Moi, je trouve que c'est très, très agréable d'avoir un couple comme Norbert et Odile qui travaille en direct pour nous, pour la société civile qui est propriétaire du château. Là, Odile, elle nous trouve des chevaux ou des carrioles pour emmener des clients. Norbert et Odile participent de la vie du château. Ici, on est en symbiose. C'est très agréable de travailler pour le château de Canisy. On a un avantage quelque part, c'est vrai, c'est qu'on est notre patron. Bon, après, il y a quand même des comptes à rendre, mais je veux dire, aujourd'hui samedi, demain c'est dimanche, on est obligé de travailler. Si je veux travailler, je travaille. Vous êtes vraiment des agriculteurs, et donc en réalité, pour vous, ne pas quitter la ferme, c'est pas vraiment une contrainte. Ça fait partie de votre environnement. Et je dirais que vos loisirs, ils sont également dans cet environnement. C'est-à-dire que quand vous avez envie de prendre un fusil et d'aller à la chasse, ben, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres. Vous êtes sur place. Ah ben, ça, c'est notre loisir. Ça fait 19 ans qu'on est là, 19 ans qu'on a pas pris de vacances. Et ça ne nous gêne pas. Non, ça nous gêne pas. Non. C'est pas notre truc. Quoi. Pour aller où, pour faire quoi, non. C'est vrai que c'est... Donc vraiment, je me repose sur la compétence technique et le travail agricole entièrement sur Norbert et sur Odile. Oui, vous venez jamais nous remplacer. Je ne pense pas que j'aurai votre compétence. Vous n'aurez pas avoir la vôtre non plus dans votre travail. Non, mais de toute façon, dans la profession agricole, la notion de vacances est quand même différente de beaucoup d'autres professions. Vous avez beaucoup d'agriculteurs qui sont à leur compte et qui ne prennent pas tant de vacances que ça. Pour le fumier, deux remorques et un tracteur avec fourche. Oula, C'est vétérinaire. C'est vétérinaire, ah oui, elle est là. C'est mais là. On a eu tellement de soucis avec les veaux. C'est des produits qui coûtent cher. Mais... Énorme, avec le césarienne aussi. Ah ben on a refait l'année dernière, c'est la bio, le type, c'est l'eau. C'est l'eau. Non, on préfère que ce soit comme ça aussi. Au moins, on voit les factures. S'ils ne veulent pas prendre le temps de les regarder, ce n'est plus notre problème, mais il y a toutes les factures. Un chèque de la députée de Gargoyle a dit, oula, un beau chèque, donc c'est des vétérinaires. Donc on explique pourquoi, il y a une raison. Pourquoi il y a une grosse note, quoi. Voilà, c'est, et au moins, c'est, et puis ça permet de se rencontrer, parce que des fois, on a un petit peu de temps de voir. C'est vrai. Bon, on va peut-être se prendre un petit verre. Vous voulez boire quoi, parce que regardez, du Rica, du whisky, du 51. Mais alors, dites-moi, en fait, j'ai jamais fait la différence entre le Rica et le 51. Ah si, il y a une différence. Ah oui, il y a une différence. L'ascendance des plus fortunés peut sembler naturelle, mais elle est le plus souvent le fruit d'un rapport de force qui a fini par s'imposer. Bonjour les jeunes. Alain Tingot est devenu un acteur économique majeur de la région d'Agen. Son club de rugby, le SUA, est la deuxième masse salariale du Lot-et-Garonne. Alors, Dulin, Machenot, Cheka sont là. Dewal. A priori, Emanon et Dewal seraient absents. Bon, mais écoute, on se voit quoi. On va montrer que quand même, on peut pas faire n'importe quoi. Le Sporting Union à Genève, c'est un grand club, c'est un très grand club. C'est un grand club qui doit se faire respecter et qui est très respectable. J'ai besoin de vacances, comme vous, parce que je vous jure que je suis président de société, j'ai pas mal réussi dans ma vie professionnelle à diriger un club de rugby. Beaucoup de gens veulent la place de président d'un club de rugby, mais je vous assure que c'est pas facile tous les jours. C'est un vrai bonheur de le faire, mais c'est quand même très compliqué. Pour assurer la croissance du club, Alain Tingot développe des entreprises associées au SUA. Il veut racheter aujourd'hui une activité de traiteur qui est en difficulté. Donc moi, l'idée qu'on a, c'est de dire, bon, aujourd'hui, on prend 100% du contrôle des SRD, et tout ça, pour rien, pour l'euro symbolique. Hein, c'est-à-dire que vous abandonnez les comptes courants et vous cédez les actions pour un euro symbolique. Au départ, bah, on met les compteurs à zéro, effectivement, vous perdez tout. Enfin, vous perdez tout, entre guillemets, vous êtes déjà, à mon avis, tout perdu. Mais par contre, il y a un retour à bonne fortune. On a tout perdu, sauf si on trouve 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est une solution immédiate, puisqu'elle va être au mois d'août. Mais j'envisage toujours d'autres pistes, évidemment. Armand dit traiteur, c'est viable si on rassemble les deux activités. Armand dit traiteur, attends. Si ça doit prendre un peu de temps, ça prendra un peu de temps. Mais moi, je ne peux pas me permettre de ne pas reprendre le contrôle de la totalité d'Armandy Traiteur. Il faut que ça se lance. Voilà. Enfin, moi, ce que j'entends est blessant, parce que dire, ça ne vaut plus rien. Michel. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est notre problème. Nous, on veut tout récupérer. Ça, c'est ce côté qui me... On prend un gros risque financier parce qu'on va cautionner le truc. Attends, Michel. Ouais, ils vont pas vous demander de caution. Mais attends, mais Michel, tu plaisantes. Ils vont nous demander au moins 200 à 300 000 euros. Attends, je vais finir, Dominique. Ce que tes actionnaires, les fameux deux tartampions qui n'étaient pas là, n'ont jamais voulu assurer quand même. Je me permets de te le dire. Parce que si t'es où t'es là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire. D'accord? Nous, on s'engage à le faire. C'est pas rien, Michel. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour toi, Michel, pour la table d'Armandie, pour ce qu'on peut faire ensemble. C'est vrai que c'est une opportunité pour nous, parce que moi je suis très honnête vis-à-vis de toi. C'est une opportunité pour nous. Non mais attends, on doit se dire les choses franchement. Je sais pas, quand je vois ça, pratiquement c'est l'inverse qu'on me dit. Donc, Mais c'est une opportunité pour nous de pouvoir créer Armandy Traiteur en faisant l'acquisition de la totalité de l'actif SRD. D'accord Michel? Et il n'y aura pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution envisageable. Parce que, je vais te dire, l'avantage, c'est peut-être aussi mon expérience aussi. C'est que je sais à peu près ce que je fais quand même. La belle assurance de ceux qui ont réussi va bien au-delà de leur activité professionnelle. Je vois qu'il y a du beau monde. Paul Dubrul, bien que retiré de la direction opérationnelle du groupe, affectionne toujours de réunir autour de lui des membres d'accord. Comme ce soir-là, les directeurs de Sofitel, la marque de luxe du groupe. Et aucun doute, Il est resté leur patron. Qui est basé à Sceaux. Comment allez-vous? Merci de nous accueillir. Bah oui, ravi d'être. Ça fait plaisir de vous voir ici. Bah, tout à fait. Quelquefois, c'est vous qui m'accueillez chez vous. Absolument. Fois, avec moi. Grand plaisir. Merci en tout cas. Consultant pour nous. Merci de l'accueil. Jean-Philippe Kahn qui est au Luxembourg. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, monsieur le Président, bonsoir. Je dis que son hôtel n'est pas au niveau. La façade, elle est pisseuse. Alors, je ne vous blâme pas, parce que c'est vraiment une question d'investissement, parce que les équipes sont très bien, j'ai très bien reçu, j'ai vérifié. Je vois bien quand, de temps en temps, on me fait le coup du violon, des tirages de chaussures, ça, j'arrive à faire la différence. Pas toujours, mais... J'aime bien quand même qu'on me tire les pompes. Mais ma femme me dit « Ah, t'as pas vu, on t'a encore tiré les pompes ?» Je dis « J'aime ça. » Mais j'arrive à voir quand même si c'est pour cacher, si c'est pour mettre la poussière sur la carpette. Bon. Vous étiez responsable des Savira, c'était votre truc, là, vous ? Non. J'étais au Marais, à l'époque. Non. Parce que j'étais au Sofitel des Savira avec ma femme il y a 6 mois. Et j'ai fait une note à Yann Cayer et Dominique Colliard en disant que c'était une honte. C'était une honte, pour accord, de ce non-professionnalisme. Il n'y avait rien qui était professionnel. Je dirais, au moins que les robinets. Les robinets. Non, mais je veux dire, on laisse faire des décorateurs qui font n'importe quoi. Mais ça fait, c'est beau. Alors on rentre, on dit, c'est beau. Hein, j'en ai rien à foutre, moi, que ça soit beau. C'est une qualité que l'on donne. En plus de la fonctionnalité. Mais il faut au moins que ça fonctionne. Alors, les femmes de chambre qui sont à 4 pattes en dessous du lit, elles ont mal dans le dos, elles sont syndicalisées parce qu'elles ont des conditions de travail qui ne sont pas faciles. Bon, je veux dire, que ce soit pratique. Mais tout était con, mais à mourir. J'étais fou furieux. J'ai fait une note au directeur, c'est pas de sa faute, il avait récupéré l'hôtel, il gère au mieux. Le personnel était sympa, comme tout, il était compétent, mais on leur avait filé un truc merdique. Mais c'était grave. C'est que nous avions été responsables de l'engineering du truc. Si c'est ça notre engineering, vous êtes mal barrés, les enfants. Est-ce qu'on vous a trouvé des cigares ? Oui, ils sont là, monsieur. C'est ça, vous avez trouvé ça ? C'est Paula qui m'a donné ça. Il ne faut pas demander à Paula. Il faut aller, je vous ai dit, dans la cave à vin. J'ai pris toutes les boîtes, c'est vrai que... Il y a un très beau coffret. Celui de l'année passée. Oui, celui de l'année passée. Exactement. Avec les bons colbas. Jean Bertrand. L'apparente complicité ne peut masquer la place que chacun occupe. Les positions des uns et des autres ont été intériorisées et acceptées. Mesdames et messieurs, dépôt de gerbe par la commune de Beaurepaire. Nous voici de retour à Beaurepaire, un concentré de France à la fois anachronique et éternel, où le 14 juillet se célèbre comme un 11 novembre. Pour les morts de 14-18, Georges Gogo, Charles Comte de Lupé, la mairie hébergée depuis des générations dans le château, la situation n'est pas que folklorique. Nous allons respecter une minute de silence. Elle nous ramène à cette phrase de Jean-Jacques Rousseau tirée du contrat social : le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit. Compte tenu de la sécurité du temps, on va faire le vin d'honneur au château. Bon, s'il vous plaît. Bien, ben, vous remarquerez qu'à Beaurepaire, quel que soit le temps, la table est toujours bonne. Alors c'est grâce à ces dames et messieurs qu'on remercie beaucoup et qu'on applaudit. Vous avez mon médicament habituel, un fond de whisky avec du Perrier. C'est pour ce type d'occasion, on ne se dit pas qu'effectivement, il manque une mairie à... S'il y avait une mairie, on aurait peut-être un rez-de-chaussée ou une grande salle de la mairie où on pourrait prendre le pot. Voilà. Bon, on a un désaccord là-dessus, mais bon, ça empêche pas le reste. Ça n'a même pas été débattu en conseil municipal d'ailleurs. J'en avais parlé à tous les conseillers, moi, séparément. Tout le monde était d'accord. Je n'avais pas réalisé que c'était partagé. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un véritable projet derrière. Donc, je n'ai pas fait spécialement avancer le dossier. Hein. Je pense que vous aviez pris ça comme quelque chose de personnel, mais ce n'était pas du tout contre... Surtout qu'il vous avait fait venir chez nous avant, discrètement, tranquillement. Non, mais vous y aviez mis les formes. Oui, je pense. À chaud. Je l'avais mal pris. Oui, je l'avais mal pris à ce moment-là. Il y avait eu un... Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu peu de temps avant un mariage... Et que, vu le monde de la commune qui était à ce mariage, j'avais l'impression que les gens étaient contents du système. Alors, sur le coup, effectivement, je me suis raidi. Après, je me suis aperçu que c'était peut-être pas le cas, que tout le monde soit content du système. Et puis voilà. Mais je le répète, un conseiller lance le débat au conseil, il est tout à fait habilité à le faire. Il y a une majorité, je suis obligé de m'incliner. Allez, Fernand. Bien. On n'est pas beaucoup, bon, allez. Allez, venez vous servir. Allez, à la commune. Moi, j'ai déjà fait. Allez, bonne santé tout le monde, à Beaupère. On a rechargé, hein. Faut les manger. Patricia, je vais aider, vous occuper de maman maintenant. Hein. Voilà. Patricia. On va marier. Normalement, la aussi à partir de. La salle des fêtes, on l'aura. Ça, vous pouvez en être sûr. Il ne laissera jamais rien. Il n'y a plus qu'à du terrain. On va ma pupuce. Et puis c'est vrai que la structure à gérer, c'est quand même. Après, il y a des mains d'entretien, il y a quand même des frais d'entretien, il y a quand même personnel pour. Il y a quand même tout ça. Bon, je crois que le plus gros problème, c'est quand même. Quand même. Hein.